Le comité préparatoire pour la Journée du Soleil vient d'être constitué au Koweït. À la cérémonie de constitution, on prépare les personnalités de divers milieux. On y a fixé l'espace du 9 mars au 16 avril comme période de célébration et discuté le plan d'activité du comité pour présenter largement via les mass-médias la vie sacrée révolutionnaire et les espoirs du président Kim Il-sung et d'organiser des cérémonies politiques et culturelles comme rendez-vous, séminaires et séances de films.